En cette fin d'année, que diriez-vous de réécouter une belle histoire à rebondissement, le roman d'un exil réussi, analysé et commenté par Thomas Römer? Nous rediffusons son cours « La Bible et l'Égypte, l'histoire de Joseph ». Un professeur au Collège de France est entièrement maître de sa chaire, libre de faire tout ce qu'il y veut, il n'a qu'une obligation, c'est de traiter chaque année un sujet nouveau. On faisait la queue pour entrer dans la petite salle numéro 8 du Collège de France, comme aujourd'hui on fait la queue pour aller au cinéma. Les cours du Collège de France par Meryl Moneghetti. S'il m'est permis d'interpréter à mon tour le Collège, il est comme l'une des dernières ruses de l'histoire. Le professeur n'y a d'autre activité que de chercher et de parler. Je dirais volontiers de rêver tout haut sa recherche. Alors là, tout le monde est là, mélangé, scientifique, littéraire, philosophe, genre de toutes les langues. Enfin, et vous voyez, cette salle est remplie de souvenirs sur l'histoire du Collège de France. Voici comme chaque jour de cette semaine convié au cours du Collège de France auquel s'associe France Culture pour partager une recherche en marche, appréhender les mutations et les enjeux de notre monde dans un esprit pluridisciplinaire. Comment situer la belle histoire de Joseph, ce jeune homme soumis entre grâces et disgrâces, aux caprices d'une destinée singulière qui le conduit à une réussite étonnante en Égypte? Faut-il y voir le roman de la diaspora pour le judaïsme, ce récit mettant en scène les dangers et les possibilités d'une vie à l'étranger? C'est la principale question que nous pose aujourd'hui Thomas Römer, exégète, philologue et spécialiste de la Bible hébraïque dans sa série de cours consacrée cette année à la Bible et l'Égypte, l'histoire de Joseph, Genèse, chapitre 37-50. Si le rapport de Joseph au concept de diaspora nous occupe, le cours s'ouvre d'abord sur l'épineuse question de la datation de cette histoire, les dates envisagées pouvant aller jusqu'à un écart de 1000 ans. Comment la situer dès lors dans le corpus de la Genèse? Thomas Römer critique une lecture trop allégorique de ce récit à rebondissements. Il défend ici la thèse qu'il s'agit d'un des textes les plus récents du Pentateuque. Enfin, il s'attache aussi en fin de ce cours à la jeunesse de notre héros, ou plutôt à son âge emblématique de 17 ans. Et nous gagnons l'amphithéâtre du Collège de France pour le cours de Thomas Römer intitulé « L'Égypte et la Bible, les songes de Joseph et sa descente en Égypte, Genèse chapitre 37, le 3 mars 2016 ». À quel moment l'histoire de Joseph a-t-elle été écrite? Et pourquoi faire ou pourquoi dire? Tout est possible, puisque les dates proposées pour l'histoire de Joseph vont de 1300 avant l'ère chrétienne jusqu'à 300. Donc vous avez 1000 ans de différents si vous suivez les publications des spécialistes. Alors on peut se dire, mais tout est possible. Pas tout à fait. Je pense quand même, il y a quand même des observations qu'on peut faire qui nous permettent quand même de restreindre un peu cet éventail de 1000 ans. Alors, je commence par deux égyptologues. C'est lui qui est peut-être le plus radical, qui dit c'est presque Moïse qui aura pu écrire l'histoire de Joseph. Joseph Vergott, où est-ce qu'il s'appelle Jacob ? Je ne me souviens plus. Donc, Joseph en Égypte, c'est le titre. Donc, lui, il pense en effet que l'histoire de Joseph a vu le jour à l'époque des pharaons Ramsès 1, 2 ou 3. Et il pense en effet que tout ce qui est raconté dans l'histoire de Joseph, un homme comme Moïse aura pu écrire tout ça. Et puis après, ils sont venus le yahviste, l'élohiste, et ainsi de suite. Alors, indépendamment du problème de l'historicité de Moïse, dont nous avons débattu longtemps, je pense que c'est une vision un peu optimiste, et puis qui pose quand même un certain nombre de problèmes. Et c'est pour cette raison un autre grand égyptologue, Donald Redford, a pris justement le contre-pied de tout cela, en disant, si on regarde les allusions à des noms, à des coutumes, et nous allons en effet y aller plus dans le détail plus tard, il dit « au plus tôt, c'est à l'époque saïte, c'est-à-dire au 7e siècle avant notre ère, que ce roman a pu être écrit ». Donc là, deux égyptologues, donc c'est pas seulement les biblistes qui sont en désaccord, donc là vous avez deux égyptologues qui sont en désaccord flagrant en ce qui concerne la date de l'histoire de Joseph. Donc Redfort au plus tôt 7e siècle avant notre ère. Du côté des biblistes, on peut observer aussi beaucoup de différences. Il faudrait d'abord que je vous parle de Gerhard von Rad, un des grands vétérotestamentaires du XXe siècle, qui a écrit un tout petit article sur Joseph, mais qui a joué un rôle très très important, dans lequel il avait dit, en fait, l'histoire de Joseph, elle a été écrite à la cour de Salomon, à une époque que von Rad appelle les Lumières salomoniennes, die Salomonische Aufklärung. Donc il imagine en fait l'auteur un peu comme un Voltaire à la cour de Frédéric de Prusse, qui écrit en fait l'histoire de Joseph pour quoi faire? Pour apprendre en fait aux jeunes fonctionnaires de la cour comment ils doivent se comporter pour faire carrière, donc avoir confiance en Dieu, être en effet soumis aux autorités, en ayant quand même aussi un peu le sens de la débrouille, mais surtout de la confiance en Dieu. Alors, qu'est-ce qu'on peut penser par rapport à cela? Ça vous convainc? Alors, en effet, c'est pas très convaincant pour toutes sortes de raisons. Déjà, l'idée des lumières salomoniennes, je pense qu'il faut l'abandonner. L'archéologie nous a montré quand même qu'à cette époque-là, Jérusalem, c'est pas la cour de Frédéric de Prusse. Et en même temps, beaucoup d'aspects dans l'histoire de Joseph, qui concernent justement la descente en Égypte, la carrière en Égypte, cela fait pas tellement de sens. Si c'est juste pour instruire des scribes à la cour de Jérusalem. Dans le même sens, donc vous allez voir, il y a beaucoup de noms allemands. C'est surtout les Allemands qui sont intéressés à l'histoire de Joseph. Pourquoi, je ne sais pas. Voilà, donc Walter Dietrich descend un tout petit peu en disant, en fait, non, Salomon, ça ne va pas très bien. Mais quand on regarde ce qui s'est passé après Salomon. Lorsque Salomon est mort, vous savez qu'il y a eu, selon l'histoire biblique, la séparation en nord et sud, en Israël et en Juda, et le premier roi du nord, un dénommé Jéroboam, avant qu'il devienne roi, sous Salomon, nous raconte la Bible, il s'était enfui en Égypte. Et donc, Dietrich dit, ben c'est magnifique, Jéroboam égale Joseph. D'autant plus que dans la Bible, on a parfois, en effet, l'expression « maison de Joseph » pour parler d'Israël, du royaume du Nord. Donc, pour lui, c'est très clair. En fait, le roman de Joseph raconte la carrière de Jéroboam. De nouveau, est-ce convaincant ? Difficile, même problème, c'est-à-dire si Jéroboam était Joseph, ben, pourquoi Joseph, alors à ce moment-là, il ne devient d'abord pas roi, et deuxièmement, pourquoi il reste en Égypte? Alors que Jéroboam, justement, il a de l'asile en Égypte, mais après il revient tout de suite, dès qu'il peut, en Israël pour y régner. Difficile également. Ensuite, il y a une idée un peu plus, comment dire, plus vague, donc sans proposer une date précise, mais aussi pour dire que Joseph, c'est une histoire du royaume du Nord, toujours avec cette idée que Joseph étant utilisé dans certains textes bibliques pour parler du Nord, doit donc par conséquence être une indication pour nous dire que l'histoire est née dans le Nord. Donc c'est Erhard Blum et son élève Kirstin Weingart qui ont élaboré cette idée également en disant que le thème principal de l'histoire de Joseph, c'est le problème de la domination. Qui va dominer sur qui? Souvenez-vous, on va le voir tout à l'heure en détail, lorsque Joseph raconte son premier rêve, les frères vont lui demander « Est-ce que tu veux être roi sur nous ?» Donc, la question, c'est celle de la domination. Est-ce que Joseph domine Judas ? Est-ce que Joseph domine les autres frères ? Et là-dedans, évidemment, Blum va dire « Exactement, c'est ce qui s'est passé quand même durant longtemps, où le royaume du Nord était beaucoup plus puissant que le royaume du Sud. » Et Kirsten Weingart ajoute « Il y a encore un autre aspect, c'est la question du lien entre Joseph et Benjamin. » Donc il dit « L'histoire de Joseph, c'est aussi une lutte autour de Benjamin. À qui appartient Benjamin ?» Et elle dit « Mais l'histoire va montrer que Benjamin appartient à Joseph, donc c'est le Nord qui récupère Benjamin. » Donc vous savez, c'est vrai sur le plan historique, le territoire de Benjamin est un territoire un peu de frontière entre le Sud et entre le Nord. Et Benjamin, donc avec Bethel, Jéricho, était tantôt rattaché au Nord, tantôt au Sud. Mais est-ce qu'on peut dire que l'histoire de Joseph est un récit de propagande pour le royaume du Nord qui veut récupérer Benjamin ? Si on avait du temps, on pourra discuter cette question. Mais ça me semble aussi difficile. Ça me semble aussi difficile d'abord parce qu'on pourra aussi dire aussi bien, finalement, Benjamin appartient à Judas. Parce que lorsque Benjamin est accusé par Joseph, c'est Judas qui se porte garant et qui fait que Benjamin puisse survivre. Je pense qu'il ne faut pas aller dans ces pensées allégoriques. Dans l'histoire de Joseph, nous allons le voir, Benjamin jouera un rôle très très différent. Benjamin va être construit comme un deuxième Joseph. Joseph était d'abord le préféré du père. Lorsque Joseph est en Égypte, c'est Benjamin qui va prendre sa place. Lorsque les frères arrivent en Égypte, Joseph va singulariser Benjamin. Peut-être ont l'idée que les frères pourraient être autant jaloux de lui qu'ils étaient jadis jaloux de lui, de Joseph. Et c'est justement lorsque les frères, contrairement à ce qu'ils ont fait avec Joseph, se montrent solidaires de Benjamin, que la réconciliation entre les frères peut prendre place. Donc c'est quand même plutôt une histoire de réconciliation. Alors est-ce que c'est une propagande pour le royaume du Nord ? Je ne le crois pas. Alors donc je vous fais passer toutes les choses que vous pouvez lire, évidemment, comme hypothèse. Encore une autre qui ne me convainc pas totalement, de M. Kebekus, qui dit en fait que c'est en effet une histoire qui a à voir avec le Nord, mais lorsque le royaume du Nord avait déjà disparu et lorsque les traditions du Nord après 722 sont arrivées dans le Sud. Et le fait que Joseph ne devient pas roi, mais reste second, c'est justement ce que le Sud va imaginez par rapport à l'héritage du Nord. C'est nous les vrais. Vous, vous pouvez venir, mais vous n'avez pas le même statut. Donc ce sera une sorte d'intégration de Joseph dans Judas. De nouveau, on ne comprend pas très bien pourquoi alors la descente en Égypte et la carrière en Égypte. Donc voyez toutes ces théories. Il y en a encore d'autres, mais disons c'est un peu les grandes théories que vous pouvez trouver si vous lisez des choses sur Joseph. Je pense qu'il n'y a aucune de ces théories qui est satisfaisante, qui prend en compte l'ensemble du récit sur Joseph. Et c'est peut-être une lecture un peu trop allégorique. On dit Joseph, ça doit être Jéroboam, Joseph, ça doit être le royaume du Nord. Benjamin, ça doit être ce territoire disputé, etc. La question qu'il faut se poser, est-ce que c'est vraiment ça l'histoire de Joseph ? Et je pense que non. C'est pour cela, il me semble qu'il faut aller vers une datation beaucoup plus basse de l'histoire de Joseph. C'est un des textes les plus récents du Pentateuque, de toute façon. Alors, première observation qu'on peut faire, c'est que dans la Bible hébraïque, dans l'Ancien Testament, il n'y a presque aucune allusion à l'histoire de Joseph, en dehors du récit même. Hein ? On fait allusion souvent à des épisodes de Jacob, un peu d'Abraham, sur l'Exode, on a beaucoup de choses, mais Joseph apparaît comme nom propre, maison de Joseph, mais sans allusion à son histoire. Le seul texte qui fait allusion à son histoire, c'est le psaume 105, où, en effet, Joseph est présenté comme étant envoyé presque de manière messianique pour sauver les Israélites de la famine. Mais ça, c'est un psaume très, très récent. Dans tous les autres textes, quand on veut expliquer, parce qu'il faut expliquer pourquoi les pères qui sont en Canaan, pourquoi est-ce qu'ils arrivent en Égypte ? Il n'y a pas besoin de Joseph. Prenez un texte que vous connaissez tous. Mon père était un araméen errant, dans le Deutéronome. Et qu'est-ce qu'on dit ? Il est un araméen errant. Il descend en Égypte, où il a vécu en émigré avec un petit nombre de gens. Et puis, il est devenu une nation grande. Et puis, les Égyptiens l'ont opprimé, etc. Même chose dans le Deutéronome. Tes pères sont descendus en Égypte au nombre de 70. Et maintenant, tu as fait une multitude pareille aux étoiles du ciel. Ou encore, après que Jacob était venu en Égypte, vos pères ont crié vers Yahvé. Et ainsi de suite. Donc, si vous regardez les sommaires qui résument l'histoire, le passage des patriarches en Égypte, on dit tout simplement que Jacob, avec sa famille ou tout seul, descend en Égypte. Vous n'avez pas besoin de l'histoire de Joseph pour raconter cela. Donc, il n'est pas nécessaire pour expliquer pourquoi les ancêtres d'Israël se trouvent en Égypte. Et encore dans un texte qui se trouve en dehors de la Bible, un texte du IIe siècle, le livre du Siracide, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, livre de Siracide, un livre de sagesse, qui contient en fait, dans sa deuxième partie, une très très longue énumération des grands personnages du Pentateuque jusqu'au roi, qu'on appelle l'éloge des pères. Là aussi, le Siracide parle de Jacob, et après, tout de suite, de Moïse. Et tout à la fin, il dit « Ah, il y avait aussi Joseph ». Alors, est-ce que c'est encore un rédacteur qui l'a rajouté ou est-ce qu'il l'a oublié ? Peu importe. Mais ça montre en fait que la transition entre Jacob et Moïse ne nécessite pas la figure de Joseph. Donc, c'est en effet sans doute l'indice que l'histoire de Joseph est une histoire très récente. Et c'est pour cela, je pense, qu'il faut reprendre une observation qui a été faite déjà au milieu des années 70, mais qu'à l'époque, personne n'avait vraiment pris trop au sérieux, de M. Meinhold, qui avait dit qu'il faut appeler l'histoire de Joseph une nouvelle de diaspora. Alors, il a fait une observation très simple, à savoir que lorsqu'on lit l'histoire de Joseph, vous pouvez faire le test. Si vous avez un peu le temps ce soir, vous prenez l'histoire de Joseph, la première partie du livre de Daniel et le livre de Esther. Et vous lisez les trois histoires. Et vous allez voir qu'il y a beaucoup de motifs en commun entre les trois histoires. Donc Esther et Daniel, c'est clair, c'est des récits qui sont situés dans la diaspora, hein, les gens qui sont à Babylone, une fois sur les Babyloniens, une fois sur les Perses. Et on trouve chaque fois l'idée que le héros qui se trouve dans un pays où il a été déporté, non pas par sa propre faute, hein, est injustement mis en prison pour toutes sortes de raisons. Ensuite, grâce à ses dons divers, et deux fois Daniel et Joseph, grâce à l'interprétation des rêves, il en sort de la prison. On lui change ses vêtements, chaque fois il est revêtu de vêtements royaux, il devient deuxième après le pharaon et donc fait une carrière fulgurante. Donc qu'est-ce qu'on peut dire ? Ces trois récits qui, de manière différente, réfléchissent sur les dangers et les possibilités d'une vie en dehors du pays, d'une vie en diaspora. C'est plus difficile dans le livre de Esther, mais même dans le livre de Esther, le roi perse, une fois qu'il est informé sur ce que Manigance, un de ses conseillers, se met du côté des Juifs. Et donc, c'est une idée de montrer qu'on peut très bien vivre dans un pays d'accueil qui n'est pas le nôtre, à condition qu'on sait bien se comporter et surtout qu'on ne vise pas la place du premier, mais la place du second. Ce qui est, je pense, une technique qui marche souvent assez bien jusqu'à aujourd'hui. Je vous laisse tirer tous les parallèles que vous voulez. Donc, l'idée que nous avons affaire là à une histoire de la diaspora trouve maintenant quand même un certain nombre d'auteurs qui sont en faveur de cela. Et curieusement, là aussi, je ne sais pas pourquoi, davantage des publications en français qu'en allemand. Encore que ça vient de changer parce que je viens de recevoir ce livre de Madame Franziska Ede, qui, elle aussi, plaide très vigoureusement pour l'idée que l'histoire de Joseph est vraiment une histoire de la diaspora. C'est en effet dans ce contexte-là, me semble-t-il, que l'histoire donne du sens. C'est d'abord une histoire d'intégration. Joseph épouse la fille d'un prêtre égyptien, alors que Esdras, Néhémie, ils sont farouchement opposés à tout ce qui est mariage mixte. Après, ça pose des problèmes aussi au judaïsme, puisque on a raconté plus tard un petit roman qui est devenu très célèbre, c'est Joseph et Asenet. Asenet, c'est donc le nom de la femme de Joseph, dont on raconte avant qu'elle a épousé Joseph, elle s'est d'abord convertie au seul Dieu unique, ce qui n'est pas du tout relaté dans l'histoire de Joseph. Mais on voit que c'était un peu difficile, parce que selon l'histoire de Joseph, deux tribus, Éphraïm et Manassé, les enfants de Joseph, sont à moitié égyptiens. Et ça pose pas de problème. Donc Joseph lui-même reçoit un nom égyptien. À la fin de sa vie, il est embaumé comme un égyptien. Quand ils discutent avec Pharaon, ils n'ont aucun problème de parler théologie. Tous les deux, ils parlent de Elohim, mais ça ne leur pose pas de problème. Apparemment, ils ont le même Elohim, ou les mêmes Elohim, puisque l'avantage de Elohim, c'est évidemment que c'est à la fois un singulier et un pluriel, donc c'est très commun. Donc il n'y a pas de problème. Et le seul autre texte où un pharaon, donc un égyptien, un roi égyptien, parle de la part de Elohim, c'est justement le texte dont je vous ai parlé la semaine dernière, en 2 Chroniques 35, lorsque Pharaon dit à Josias, « Ne fais pas la guerre contre moi, parce que je te le dis de la part de Dieu, c'est Dieu qui m'a envoyé ici. » C'est aussi une histoire très moderne, l'histoire de Joseph, parce que contrairement aux histoires des patriarches, aux histoires de Moïse, Dieu n'intervient jamais directement. Dieu ne parle pas à Joseph. Au moins que vous dites, il parle via les rêves. Mais même ça, ce n'est pas dit. Alors qu'en Genèse 20, lorsqu'il parle à Abimélec dans un rêve, on dit bien, il lui parle, Yahvé ou Elohim lui parle dans un rêve. Et à part Genèse 39, dont je vous ai dit, et puis je vais vous faire la démonstration, que ça ne fait probablement pas partie de l'histoire primitive de Joseph, Dieu n'est jamais mentionné par le narrateur. Dieu n'apparaît que dans la bouche de Joseph, des frères ou du pharaon. Donc vous pouvez lire l'histoire de Joseph, comme d'ailleurs l'histoire de Esther, comme une histoire tout à fait profane. C'est-à-dire Joseph est abandonné par ses frères, vendu par ses frères, et il développe toutes sortes de stratégies lorsqu'ils reviennent en Égypte pour montrer qu'ils ont fait ce qu'il ne fallait pas faire. Mais est-ce que c'est Dieu qui est derrière ? Ou est-ce que c'est Joseph qui a tout inventé? Difficile à dire. Le narrateur ne nous le dit pas. C'est à vous de décider. Est-ce que c'est une histoire de la providence divine? Ou est-ce que c'est une belle histoire? Comment quelqu'un peut se débrouiller pour donner des leçons à ses frères, voire au roi d'Égypte? Ensuite, comme je vous ai dit, c'est toujours Joseph et ses frères qui interprètent ce qui leur arrive. Les frères disent, lorsque Joseph cache l'argent ou la coupe, sa coupe de divination dans les sacs de Benjamin, les frères disent c'est Dieu qui nous punit parce que nous avons jadis abandonné notre frère. Alors est-ce que c'est Dieu ou est-ce que c'est Joseph? Donc très moderne si vous voulez, on ne nous impose pas là une vision de l'histoire. Contrairement à l'histoire d'Abraham, c'est clair, Dieu met Abraham à l'épreuve. Donc là vous n'avez pas de choix d'interprétation, c'est comme ça. Dans l'histoire de Joseph, c'est très différent. Donc, le fait que l'histoire de Joseph est une histoire récente se vérifie aussi par le fait que l'auteur connaît déjà toute l'histoire patriarcale qui précède. Il sait, par exemple, que Joseph et Benjamin sont les deux fils de Rachel, bien que Rachel ne soit jamais mentionnée par nom, de nom. Mais c'est pour cela, les deux, comme c'était la femme préférée de Jacob, maintenant, les deux fils de Rachel, Joseph et Benjamin, vont devenir les fils préférés de Jacob. Donc, pour comprendre cela, je pense qu'il faut comprendre l'histoire précédente. Il connaît aussi le changement du nom de Jacob en Israël, parce que dans certains versets, au lieu de parler de Jacob, il parle d'Israël. Donc, il connaît l'histoire du combat où Jacob reçoit le nom d'Israël. Mais en même temps, il y a aussi des différences. Apparemment, au début de l'histoire, on va le voir dans un instant, on présuppose que la mère, elle ne porte pas de nom, que la mère est encore en vie. Alors qu'en Genèse 35, on a déjà raconté la mort de Rachel. Mais lorsque Joseph raconte le deuxième rêve, avec le soleil, la lune et les astres qui tous se prosternent devant lui, Jacob dit, maintenant ça suffit. Est-ce que ta mère et moi, nous devons nous prosterner devant toi? Donc ça présuppose apparemment la mère encore en vie. Et puis lorsque, à la fin de ce chapitre, les frères lui amènent la tunique de Joseph, il s'effondre, il est en deuil, et puis on dit « tous ses fils et toutes ses filles s'efforcèrent de le consoler ». Combien de filles, là? Si vous prenez l'histoire précédente, il y en a une seule, Dina. Là, apparemment, il y en a plusieurs. Donc ça veut dire que probablement, quand même, c'était une narration qui, parce que certains disent l'histoire a été écrite tout de suite pour être intégrée là entre l'histoire de Jacob et l'histoire de l'Exode. Je ne suis pas si sûr. Je pense qu'elle était écrite en connaissance de cette histoire, mais probablement de manière indépendante. Alors, pourquoi le nom de Joseph? Ça, c'est quand même quelque chose qui a toujours été observé, surtout par les spécialistes qui voulaient dater l'histoire de Joseph à l'époque du Royaume du Nord. Est-ce que Joseph est un nom pour le Nord? Ou est-ce que c'est simplement le nom que l'auteur a choisi parce qu'il savait que Joseph était le fils préféré, ou disons, était le fils de Rachel, la femme préférée de Jacob? C'est difficile de savoir. S'il y a une allusion avec le Nord, on pourrait en effet faire éventuellement un lien avec la colonie judéenne qui se trouve en Éléphantine, en Égypte, et qui, peut-être, trouve son origine au 7e siècle par des gens qui sont venus d'Israël du Nord, donc, pour s'installer soit comme mercenaires, soit comme réfugiés, au moment où le royaume du Nord est en train de sombrer et de disparaître. Alors peut-être ce sera une des raisons, mais en même temps, la vision assez positive de l'Égypte, est-ce que ça colle avec ce que nous savons de Éléphantine? Parce qu'on sait quand même que les gens en Éléphantine avaient quand même un certain nombre de problèmes avec les Égyptiens, qui leur ont détruit leur temple, qui les ont suspectés d'être des collabos avec les Perses. Donc, est-ce que c'est vraiment... C'est une question à laquelle je n'ai pas encore de réponse. Peut-être qu'on aura plus tard. Mais pour le moment, ça me semble un peu difficile de situer précisément l'histoire de Joseph à Éléphantine. Peut-être plutôt dans le Delta. D'autres pensent même que ça n'a pas été écrit en Égypte, mais plutôt à Babylone ou ailleurs. Mais à ce moment-là, pourquoi toutes ces allusions à l'Égypte ? Donc, ça, c'est une question ouverte. Bien. Alors, s'il y a quand même une certaine convergence aujourd'hui, pas de tout le monde, mais quand même d'une certaine partie de la recherche sur l'idée que l'histoire de Joseph pourrait être un roman de la diaspora, je vais vous présenter une hypothèse où je suis peut-être le seul au monde qui va la défendre. Mais bon, faut que les choses avancent un peu. L'autre question, c'est une question du lien, ça c'est un peu déjà pour les spécialistes, du lien entre l'histoire de Joseph et les textes sacerdotaux, les fameux textes P. Vous savez qu'il y a dans le Pentateuque des textes qu'on attribue à un document ou à une rédaction sacerdotale. Et puis, les textes P, sacerdotaux, la présupposent. Donc, les textes que traditionnellement on attribue donc à la source P, donc ce n'est pas beaucoup, beaucoup à l'intérieur de l'histoire de Joseph. Et on a toujours eu un grand problème avec ça, à savoir que quand on regarde ça en détail, c'est juste 3-4 versets qui parlent de Joseph. Tout le reste de ce texte parle en fait de la descente de Jacob en Égypte. Et ces quelques versets, je ne suis pas si sûr que ce soit vraiment P, parce que indiquer l'âge de quelqu'un, est-ce que c'est nécessairement seulement le document sacerdotal qui peut le faire ? Je ne pense pas. Il n'y a pas des raisons stylistiques. Et voici les fils de Joseph, de Jacob, pardon, qui descend en Égypte. Et parmi ses fils, on dit « fils de Rachel, Joseph et Benjamin ». Donc ça veut dire, en fait, là, on ne raconte pas une histoire de Joseph, on dit simplement que Joseph et Benjamin, ça fait partie de tous, tout le monde qui est descendu en Égypte. Donc, c'est pour cela, je pense que, alors je ne sais pas si je vais pouvoir imposer cette idée, mais je pense quand même que Joseph est plus récent que les textes sacerdotaux. Donc c'est le texte le plus récent du Pentateuque. Et si vous prenez le texte P, vous pouvez le reconstruire comme ça. Jacob habita au pays Canaan, les fils d'Israël prirent leur cheptel, Jacob s'est rendu en Égypte avec tous ses descendants, il fait venir avec lui toute sa descendance, et puis la liste, il habitait au pays d'Égypte, il devint fréquent, prolifique, Jacob vécut 17 ans au pays d'Égypte et la durée de vie de Jacob fut de 147 ans. Et puis après, il demande qu'on l'ensevelisse à Macpella, ce qu'on fait. Et après, on dit, et voici les noms de fils qui étaient venus en Égypte et on ouvre le livre de l'Exode. Voilà mon idée, Joseph, un texte vraiment le plus récent, au moins, du Pentateuque. Le Collège de France et France Culture vous présente Thomas Römer, Les songes de Joseph et sa descente en Égypte, Genèse 37. Ce que j'aimerais donc tester comme hypothèse durant ce cours, c'est d'abord l'hypothèse que c'est un roman de la diaspora composé durant l'époque perse, voire peut-être même au début de l'époque hellénistique, en opposition à une vision négative de l'Égypte. Il me semble, mais ça aussi à vérifier, que l'auteur est localisé en Égypte, puisqu'il reprend un certain nombre de thèmes et des traditions égyptiennes. Et le courant P, justement, sacerdotal, ne connaît pas ce roman. Ce roman qui peut être compris comme une alternative à la vue, parce que chez P, c'est quoi ? C'est simplement que la famille descend pour y être opprimée tout de suite. Et l'histoire de Joseph va dire ah non. On descend et on n'est pas opprimé. Au contraire, on peut très bien s'y débrouiller. Ce sera d'ailleurs une des grandes questions que le judaïsme va traiter d'une certaine manière jusqu'à aujourd'hui. comment et de quelle manière vivre en diaspora. Et ça, je crois, c'est le grand enjeu de l'histoire de Joseph. Et c'est pour cela qu'on va maintenant commencer vraiment avec l'histoire. On va s'intéresser au songe de Joseph aujourd'hui et à sa descente en Égypte. Chapitre 37. Donc c'est un chapitre, en fait, vous connaissez sans doute, qui a deux parties. Donc d'abord les songes et la jalousie des frères que ces songes provoquent. Après une sorte de transition où Joseph a retrouvé ses frères qui, du coup, vont en effet s'emparer de lui. Et après, ça devient un peu confus. On va voir. Parce qu'ils vont le vendre en Égypte, mais ils le vendent à qui? Aux Ismaélites, aux Madianites? C'est qui veut empêcher que Joseph soit vendu? Est-ce que c'est Ruben? Est-ce que c'est Judas? Si vous avez déjà lu ce chapitre, c'est un peu difficile. Mais commençons par le commencement. Donc, on va d'abord traduire la première partie et on va s'intéresser d'abord au rêve. Jacob habita dans le pays des migrations de son père, dans le pays de Canaan. Et voici les toldotes, les engendrements ou l'histoire de Jacob. Joseph avait 17 ans. Il était berger, comme ses frères, de petit bétail. Et il était un adolescent, alors là aussi on peut traduire de différentes manières, un adolescent avec les fils de Bilha et de Tzilpa, ou au service des fils de Bilha et de Tzilpa, ou encore en charge des fils de Bilha et de Tzilpa. En hébreu, les trois sont possibles. Joseph rapporta à leur père ce qu'on disait de mal à leur sujet, ou de nouveau, on peut aussi traduire, ou il rapporta leur médisance. Quant à Israël, donc Jacob, il aimait Joseph plus que ses fils. En effet, c'était le fils de sa vieillesse. Là aussi, on peut déjà se dire, mais le fils de sa vieillesse. Il y a Benjamin. Alors Benjamin n'est pas encore né, peut-être. Il avait fait pour lui, donc pour Joseph, une tunique. Alors quelle tunique? Une tunique longue ou une tunique colorée? On reviendra sur la question. Donc, vous voyez, il y a quand même un certain nombre de problèmes de traduction. Ses frères virent que leur père l'aimait plus que tous ses frères. Ils le haïrent et ils ne pouvaient pas lui parler en paix, d'une manière paisible. Donc, shalom en hébreu. Alors, Joseph eut un songe. Il le raconta à ses frères et ils continuèrent à le haïr. Cette dernière partie manque dans la Septante, puisqu'on le retrouve encore une fois au verset 8. Peut-être l'auteur pensait, le traducteur pensait que ça fait un peu un double, mais je pense que c'est plutôt un encadrement, comme nous allons le voir. Ce qui est intéressant encore, ils continuèrent en hébreu, Vayosifu. Ben, c'est une allusion évidemment au nom de Joseph, Yosef. Vayosifu. Ils continuèrent à le haïr. Il leur dit, écoutez donc le songe que j'ai eu. Voici que nous étions en train de lier des gerbes au milieu du champ. Et voici ma gerbe était élevée et aussi dressée. Et voici vos gerbes se placèrent autour et se prosternèrent devant ma gerbe. Ses frères lui dirent, serais-tu vraiment roi sur nous et tu nous domineras? Ils continuèrent encore à le haïr à cause de ses songes et de ses paroles. Il leur dit encore un autre songe et il le raconta à ses frères. Là, la Septante rajoute à son père, parce que le père va aussi intervenir, donc il pense qu'il va aussi informer le père. Il dit, voici, j'ai eu encore un songe. Voici, c'est toujours voici en hébreu, hiné, c'est un peu une sorte de rapport de rêve. Voici que le soleil, la lune et les 11 étoiles étaient en train de se prosterner devant moi. Il raconta à son père et à ses frères. Donc là, maintenant, on retrouve, c'est pour cela, le traducteur l'a sans doute supprimé. Son père le gronda, ou l'engueula même, c'est quand même crié assez fort. Hein. Son père le gronda et lui dit, qu'est-ce que ce songe que tu as eu? Viendrons-nous, ton père, ta mère et tes frères pour nous prosterner à terre devant toi. » Ses frères furent jaloux de lui. Quant à son père, il retenait l'affaire. Dabar, la parole. Qu'est-ce que ça veut dire, retenir l'affaire? C'est un peu comme Marie dans l'évangile de Luc, qui ne sait pas très bien ce qui arrive, et qui dit, ouais, on va garder ça en tête, on ne sait jamais. Donc, c'est une ouverture, clairement, puisque nous avons là les thèmes majeurs, ou un certain nombre de thèmes majeurs, qu'on va trouver dans la suite de l'histoire. Hein, la relation conflictuelle entre Joseph et ses frères, le thème du vêtement. Le vêtement, ça va jouer un rôle très important tout au long de l'histoire. Les songes, évidemment aussi, les songes des prisonniers, les songes du pharaon, et la question, évidemment, de la domination ou du pouvoir politique économique. C'est aussi un traité assez économique, l'histoire de Joseph. Nous allons tout de suite commencer par le début de l'histoire. Où est-ce que l'histoire de Joseph commence? D'abord, on dit tout simplement que Jacob habite dans le pays de ses migrations, dans le pays de Canaan. Mais est-ce que ça, c'est l'ouverture de l'histoire? Parce qu'il ne faut pas vous laisser leurrer, la repartition du texte biblique en chapitres. Ce n'est pas parce que c'est 37, verset 1, que c'est le début de l'histoire de Joseph. Là, je pense qu'on aura dû le mettre plus tôt au chapitre précédent, parce que c'est plutôt la conclusion de l'histoire précédente. Et là, nous avons clairement affaire à un texte sacerdotal, là, puisque le pays des migrations est typiquement sacerdotal. Avec cette idée, qui est très intéressante, que les patriarches qui vivent dans le pays, ils sont des guérim. C'est quoi des guérim? Ce sont des immigrés. Ils ne sont pas les propriétaires du pays. Ils peuvent vivre dans le pays, mais ils ne le possèdent pas, avec cette idée qu'on trouve ensuite dans le livre du Lévitique, où c'est Yahvé qui dit « Le pays est à moi, car vous êtes chez moi comme des guérim, comme des immigrés, et comme des toshavim, comme des habitants. » Donc pour paix, en fait, le seul propriétaire du pays, d'une certaine manière, c'est Yahvé. Les patriarches sont des guérim, donc ils peuvent habiter, du coup aussi cohabiter avec les autres. Et ce pays est aussi décrit d'une manière peu précise, parce qu'il est décrit comme étant le pays de Canaan, Eretz Kenaan. Alors qu'est-ce que c'est Canaan? Est-ce qu'on peut dresser les frontières du pays de Canaan? Le terme Canaan, c'est un terme ancien, attesté au deuxième millénaire déjà, dans des textes de Marie et dans les lettres de Amana en Égypte, où là, c'est une province égyptienne, Canaan, là du coup c'est plus précis, c'est une province égyptienne qui va jusqu'à Beyrouth, grosso modo. Et ensuite, au premier millénaire, dans des monnaies phéniciennes, on a l'impression que Canaan est devenu le nom pour la Phénicie. Donc c'est encore plus haut. L'étymologie n'est pas très claire. Courbé, soumis, retiré. Dans la Bible, on parle pas de marchands, de cananéens comme marchands, probablement à cause des Phéniciens et leur réputation de marchands. Mais le fait que Jacob habite en Canaan, c'est aussi une manière de laisser les frontières vagues, de ne pas dire exactement où il habite précisément. Et en même temps, c'est une autre question, où est-ce que vraiment il habite en Canaan? Parce que Canaan, c'est très large. En Genèse 33, il s'installe à Sichem, après qu'il s'est réconcilié avec son frère. Donc est-ce que ce verset imagine que Jacob habite Sichem, ou est-ce qu'il pense qu'il est à Mamré, à Hébron, donc tout au sud? Parce qu'en Genèse 35, on raconte encore une fois que Jacob retourne sur Bethel et après il descend jusqu'à Mamré, puisqu'il va être enterré dans le caveau des patriarches à Macpéla. D'abord, il enterre Isaac, son père, ensemble avec Ésaü, et plus tard, c'est lui qui va être enterré dans l'histoire de Joseph. Donc, où est-ce qu'on l'imagine? Ce n'est pas tout à fait clair. Et nous allons voir que, curieusement, Hébron va apparaître dans l'histoire de Joseph. Un mot sur les toldot. Là, vous voyez que ce qu'on traduit par les engendrements, la racine, c'est yalad, enfanté, engendré, hein, que ça structure en fait l'ensemble du livre de la Genèse. Après, on le trouve plus tellement une fois dans le livre des Nombres, mais c'est tout. Donc on a les toldot du ciel de la terre, les toldot d'Adam, les toldot de Noé, les fils de Noé, de Sem, de Terach, d'Ismaël, d'Isaac, d'Ésaü et de Jacob. Alors, on voit que ça peut introduire des listes généalogiques, mais ça peut aussi introduire des histoires de quelqu'un. Hein ? Par exemple, le toldot de Noé introduit l'histoire du déluge, ou le toldot de Terach introduit l'histoire d'Abraham. Pourquoi est-ce que les toldot de Jacob introduisent l'histoire de Joseph ? Est-ce qu'ils ne devraient pas plutôt introduire l'histoire de Ruben, si c'est le premier-né ? Pourquoi ce titre introduit justement l'histoire de Joseph ? Alors là, si on regarde en détail, on peut faire une première observation. Contrairement à tous les autres titres, c'est toujours « The Toldot Noir », « The Toldot Shem », « The Toldot Terach », il y a toujours un « The », un « Et », et voici, ce « Et » manque dans les Toldot de Jacob. C'est pour cela qu'on peut imaginer que c'est une imitation, en fait, d'une structure plus ancienne que quelqu'un a choisi pour y intégrer l'histoire de Joseph, parce qu'il ne savait pas très bien comment intégrer l'histoire de Joseph. Il dit, ah, on va le mettre en toldot. Ça, c'est une possibilité. Ou l'autre hypothèse, c'est que de dire, en fait, si c'est un schéma sacerdotal, le titre et les toldot, il y a Akov, était peut-être d'abord l'introduction de la grande liste que vous avez en 46. Voici les toldot de Jacob. Et Jacob et ses fils, fils aîné de Jacob, Ruben, fils de Ruben, et ainsi de suite. Donc, c'était peut-être cela aussi. Et on a en fait profité de cela pour intégrer l'histoire de Joseph. Mais ce n'est pas, à mon avis, l'ouverture ancienne de l'histoire de Joseph. L'ouverture ancienne, elle commence tout simplement au verset 2. Joseph avait 17 ans. C'est comme ça. C'est une narration qui peut s'ouvrir comme ça. Joseph avait 17 ans. Et puis, donc, qu'est-ce qu'il fait ? D'abord, on mentionne les fils de Bilha et de Tzilpa. Ça, certainement, ça ne fait pas partie de l'histoire ancienne, parce que si vous lisez l'histoire de Joseph, il n'y a jamais une répartition des fils selon leur mère. C'est toujours les fils qui agissent en collectif. Il y a des fils qui sont singularisés, comme Ruben, Judas, Siméon, évidemment Benjamin, mais on ne dit jamais fils de telle ou telle femme. Et on a l'impression même, en lisant l'histoire de Joseph, que dans l'histoire de Joseph, Joseph n'a qu'une femme. C'est peut-être aussi déjà un auteur qui n'aime pas trop la polygamie, parce qu'il réduit en fait les femmes de Jacob. Alors pourquoi Joseph a 17 ans ? On peut dire bah, parce qu'il a 17 ans. Mais il ne faut pas prendre évidemment ce récit comme une histoire qui s'était passée historiquement comme ça. Il a 17 ans. Bah, déjà, première observation qu'on peut faire, que les 17 ans font partie d'un petit schéma chronologique parce qu'on a trois fois des indications de l'âge de Joseph. Il a 17 ans au début, il a 30 ans lorsqu'il rencontre pour la première fois le pharaon, et puis il a 110 ans au moment où il meurt. Donc en fait, l'histoire va durer, ça fait quoi, 110 moins 17, 93 ans. Donc on va nous raconter une histoire sur 93 ans. Et puis peut-être on peut faire un lien avec la remarque de Genèse 48. On va dire que Jacob a vécu 17 ans en Égypte. Donc Joseph avait 17 ans au début de l'histoire et Jacob lui-même a vécu 17 ans après qu'il est descendu en Égypte. Le 17 ans va très bien avec une deuxième information qu'on nous donne sur Joseph, à savoir qu'il est à Nahar, un jeune homme, un garçon, un adolescent. Donc c'est un terme qui peut avoir donc d'abord cette signification-là, mais c'est aussi, comme je vous ai dit, quelqu'un qui est au service de quelqu'un, mais souvent aussi quelqu'un qui a, une fonction importante, serviteur presque. Dans un sceau du 7e siècle, un sceau avec lequel on signe, le propriétaire de ce sceau, qui est certainement un homme adulte, mais il se désigne quand même Nahar Yahvé. Donc là, il faudrait presque traduire par serviteur de Yahvé. Et puis, Joseph est encore appelé Nahar juste au moment où il est donc dans la prison en train d'interpréter les rêves du panetier de les chansons, où là, grosso modo, 28 ans, puisque après il va sortir du prison et à 30 ans se trouve devant Pharaon. Donc, peut être Nahar jusqu'à 28. Alors, est-ce que c'est lié au statut de célibataire? Peut-être aussi, c'est possible, mais comme nous allons le voir, en prison, Joseph a aussi quand même une sorte de, de fonction où il est au service du chef de la prison, mais avec une certaine responsabilité. Et il est berger comme ses frères. Et là aussi, on peut noter une attitude ambiguë des Égyptiens. On va le voir d'ailleurs, parce que plus tard dans l'histoire de Joseph, on va dire que les bergers, c'est un peu une abomination pour les Égyptiens. Selon Hérodote, les Égyptiens auraient eu trois classes de bergers qui auraient eu, en fait, des statuts sociaux différents. Les mieux considérés étaient des bergers de bœufs, de grand bétail. Les brebis, ça allait encore. Les pires, ceux qui gardent les cochons. Mais il existe en Égypte d'ailleurs, comme en Mésopotamie, comme aussi évidemment dans le Levant, le discours du bon berger, qui peut être un titre qu'on donne au roi ou au dieu. Ramsès, par exemple, est appelé le bon berger des hommes. Donc, il y a une ambiguïté. L'autre ambiguïté qui est introduite encore, c'est cette idée de Joseph le rapporteur, n'est-ce pas ? Donc, Joseph qui raconte à son père ce que les fils, alors ce qu'on dit de mauvais des fils, ou ce que les fils eux-mêmes disent de mauvais, ou ce qu'ils font de mauvais, le texte ne critique pas Joseph, alors que les rabbins après vont quand même lui dire que peut-être il aurait dû être un peu plus solidaire. Mais cela va évidemment déjà introduire une ambiguïté aussi dans le personnage, parce que comme je disais la semaine dernière, tous les personnages de l'histoire, il n'y en a pas un qui est totalement, décrit de manière absolument positive. Tout le monde a des côtés un peu sombres. Parce que Jacob aussi, pourquoi Jacob lui fait cette tunique longue ou colorée pour le distinguer des autres fils. Alors là, il y a aussi une petite différence. On dit que c'était le fils de sa vieillesse, Zikounim. Mais si vous suivez la logique du récit précédent, c'est pour cela, je pense, c'est un autre argument pour dire que l'histoire de Joseph n'a pas été d'abord écrite pour être placée entre Jacob et l'Exode. Dans l'histoire précédente, Joseph, il vient en même temps que tous les autres. Donc, vous savez, c'est une sorte de compétition d'enfantement. Joseph vient vers la fin, mais quand même, il n'y a pas de distance chronologique. La seule distance chronologique qui est suggérée dans l'histoire précédente, c'est par rapport à Benjamin. Et Benjamin ici, on ne sait pas très bien, ça c'est une autre question qu'on peut poser, où est-ce que Benjamin se trouve à ce moment-là, si c'est Joseph qui est le fils de sa vieillesse. Et alors, cette tunique. Et ce qui est coloré, ça c'est la Septante, qu'il a traduit comme ça, suivie par la Vulgate. Ou est-ce que c'est une tunique à manches longues? Si vous regardez en dehors de l'histoire de Joseph, l'expression n'est utilisée qu'une seule fois encore dans toute la Bible, dans l'histoire de Samuel, dans le livre de Samuel, avec l'histoire de Tamar. C'est ainsi que, donc avec un cotenet passim, avec une tunique longue colorée, c'est ainsi que s'habillaient les filles du roi. Alors, les psychanalystes nous disent que Joseph est féminisé pour cela, mais je pense que c'est peut-être un peu trop vite. En même temps, là, ça donne une impression que c'est quand même un vêtement, non pas, des gens communs, mais quelqu'un, en fait, de la cour. Hein. Donc, du coup, peut-être aussi, l'idée, ça pourrait être que c'est aussi un tout petit peu, déjà, on anticipe ce qui va arriver, c'est-à-dire la carrière que Joseph fera à la cour, bien qu'il va perdre justement ce vêtement. Donc le motif du vêtement, et je vais terminer avec cela, est très important, puisque dans le même récit, et Ruben et Jacob vont déchirer leurs vêtements. La tunique de Joseph, ensuite, va faire croire au père que son fils est mort. En Genèse 39, dont nous allons aussi parler la semaine prochaine, Joseph doit abandonner son vêtement pour échapper à Madame Potiphar. Alors, je ne sais pas comment il faut imaginer ça. Et puis, en Genèse 41, lorsqu'il sort de prison, de nouveau, on va lui changer son vêtement. Donc le vêtement, c'est, comme vous le savez, le vêtement, c'est souvent aussi le statut social, etc. Donc l'insistance ici sur la tunique, je pense, c'est une manière aussi d'introduire déjà aux différents statuts par lesquels Joseph va devoir passer. Il va même passer par l'humiliation extrême parce que ce qu'on fait ici et ce que fait d'une certaine manière aussi la femme de son maître égyptien, déshabiller quelqu'un, c'est un acte d'humiliation. Ce que vous avez aujourd'hui encore dans des cas de prisonniers de guerre, etc., et pas seulement. Il doit en effet passer par un dépouillement extrême avant de remonter, faire carrière et remettre un vêtement qui sera le vêtement donc du gouverneur de l'Égypte. Voilà. Alors, je ne suis pas arrivé jusqu'à où je voulais aller, mais il faut donc que la semaine prochaine, nous nous interrogeons sur ces deux rêves qui ne sont pas si simples que ça. Parce que tout le monde croit les avoir compris. Je vous donne juste une chose. Le soleil et la lune, c'est qui? Est-ce que c'est la mère et le père? Réfléchissez-y, parce que dans le Proche-Orient, le soleil, la lune, c'est jamais féminin, masculin. C'est toujours... À Ougarit, le soleil est féminin, mais autrement, c'est toujours masculin. Si le soleil et la lune sont tous les deux masculins, comment ça marche? C'était les cours du Collège de France. Vous venez d'écouter Thomas Romer sur les songes de Joseph et sa descente en Égypte, Genèse 37, le 3 mars 2016. Sur les sites de France Culture et du Collège de France, vous retrouverez tous les liens et les informations liées à cette diffusion, ainsi que les autres cours de Thomas Romer. Il a publié au Seuil L'invention de Dieu en 2014 et chez Bayard, La Bible, quelles histoires, entretien avec Estelle Villeneuve en 2014 et en 2015, Moïse en version originale, enquête sur le récit de sa sortie d'Égypte, Exode 1:15. Réalisation Philippe Baudouin, présentation Meryl Moneghetti. Demain, Thomas Romer, L'Égypte et la Bible, les songes de Joseph, la suite. Belle journée à l'écoute de France Culture.